Oscar. Toi gère la meuf et plein que tu as voir. Chant que cette nuit on va mettre ça haut. Qu'avec les gars ça va être très chaud. Hérogène Crew est prêt pour le show. Pour toi baby c'est string talon haut. On arrive pile pour la zone party. La salle est pleine de gars de sexy. Je m'envoie direct mon triple whisky. Doublé de nipple tic bacari. La clé DJ il mixe mon morceau. J'en perds une shorty au top niveau. La frotte vénère pour qu'elle kiffe mon flow. Pas moyen de passer son numéro. Miami, je crois que moi aussi je vais tomber le baggy. Pompé à poil dans le jacuzzi. Chant cette nuit, on va mettre ça haut. Qu'avec les girls, ça va être très chaud. Hérogène Crew